Qu'importe le moment, qu'importe la saison, la brume peut cacher dans le blême horizon les Saturnes et les Mercures. La bise, conduisant la pluie aux crins épars, dans les nuages lourds grondant de toutes parts, peut tordre des hydres obscures. Qu'importe, il va. Tout souffle est bon, Simoun, Mistral. La terre a disparu dans le puits sidéral. Il entre au mystère nocturne. Au-dessus de la grêle et de l'orage fou, laissant le globe en bas dans l'ombre, on ne sait où, sous le renversement de l'urne. Intrépide, il bondit sur les ondes du vent. Il se rue, aile ouverte et la proue en avant. Il monte, il monte, il monte encore, au-delà de la zone où tout s'évanouit, comme s'il s'en allait dans la profonde nuit, à la poursuite de l'aurore. Calme, il monte, où jamais nuage n'est monté. Il plane à la hauteur de la sérénité devant la vision des sphères. Elles sont là, faisant le mystère éclatant, chacune feu d'un gouffre, et toutes constatant les énigmes par les lumières.